jamais vivre. Et les douvages de vous à nous, l'unité faut qu'on y arrive. Pour mettre un terme à tant de misère qui s'abat sur nous, le ghetto nous tue. Divers goûts m'a mis vers le concret, personne n'évolue dans personne. La vie n'a plus complet vivre. Et les douvages de vous à nous, l'unité faut qu'on y arrive. Qu'on y arrive. La soif de pouvoir et d'argent, c'est une confusion sur la terre entière. Conséquence est notre peuple et notre frère. Notre lutte est de survivre, quel est le but de tout homme sur terre. People ensemble pour expédier Babylone aux portes de l'enfer. Assoiffé de pouvoir, ils veulent le contrôle, nous téléguider. Parents bluffés par le Vatican, dans un système déconnecté un mardi. Trop de frères ont succombé à la vigilance des condés. Il n'y a pas tant les prisons de France, y'a que nos gueules pour les bonder. J'parle d'unité, tout le monde ensemble face à qui nous shoot. Mais j'pense pas changer le monde, plus le temps que les Rastaman la chantent. Prochain la vie dans le ghetto tu aïe. Divers goûts de ma vers le concret, personne n'y vaut l'une. Babylone nous coupe les vivres. Et les douvages de vous à nous, l'unité faut qu'on y arrive. Pour mettre un terme à tant de misère qui s'abat sur nous, le ghetto nous tue, aïe. Divers goûts m'amener vers le concret, personne n'y vaut l'une en personne. Babylone nous coupe les vivres. Et les douvages de vous à nous, l'unité faut qu'on y arrive. Qu'on y arrive. Les bons souvenirs durent longtemps, les mauvais pires encore. Les rires se font larmes après que l'armée ait donné la mort. Drag un décor en masse fan pour de l'or noir sous cellophane. La défonce à la dyname, c'est le bas niveau nos âmes. À laquelle nous sommes confrontés. Tous les jours que Dieu fait, j'ai l'impression qu'autour de moi tout ne fait que s'effondrer. Maudit soit les pieds devant les ignorants qu'ont pourri de Satan. Et ceux qui l'ont prié, dis mais toi-même tu sais ce qui les attend. Le moment viendra où l'ingrat devra justifier geste et fait. Il échappera cet état, appel nous est prédestiné. Et créant un choix dans le rang et prie pour qu'il y ait du changement. Si tu veux pas que ça change pour ton squelette, comme du dernier jugement. Les bons souvenirs durent longtemps, les mauvais pires encore. Les rires se font larmes après que l'armée ait donné la mort. Pour de l'or noir sous cellophane. La défonce à la dyname, c'est le bas niveau nos âmes. La vie dans le ghetto, la vie dans le ghetto, la vie dans le ghetto nous tue, aïe. Personne n'est bon l'une. La vie dans le ghetto, la vie dans le ghetto, la vie dans le ghetto nous tue, aïe. Personne n'est bon l'une en personne. Mange la vie dans le ghetto tue, aïe. Divers goûts m'a mis vers le concret, personne n'est bon l'une. Babylone nous coupe les vivres. Et les douvages de vous à nous, l'unité faut qu'on y arrive. Pour mettre un terme à tant de misère qui s'abat sur nous, le ghetto nous tue, aïe. Dans mon crâne y'a plus de place pour les rêves. Seul le Satan entre le sommeil des populaces de crève. Mais nos désirs sont les mêmes, donc ne pas s'attarder dans le sommeil. Pauvreté, misère, problème, qui peut kiffer une vie pareille. Moi je veux quitter cette jungle, devenir royal comme le lion. Prendre les bifs sur Panam, prendre l'ami Fagout ou Zayan. Pour plus qu'il se lève à l'aube, pour survivre à Babylone. Possible avec mon racaille sans, j'attends la cible. Que les liens s'en tombent. 6 millions de raisons de mourir, t'en as aucune de m'en vouloir. Je veux goûter la vie d'un mec au pouvoir. Toucher les millions avant de mourir, mais la vie dans le ghetto. Et tant qu'on vit, on espère. Nos grandes douleurs nous tabat tous. On se loge des bastos pour les peines légères. Mange la vie dans le ghetto, tu aères. Divers goûts m'amener vers le concret, personne n'y vaut l'une. Babylone nous coupe les vivres. Et les douvages de vous à nous, l'unité faut qu'on y arrive. Pour mettre un terme à tant de misère qui s'abat sur nous, le ghetto nous tue, aères. Divers goûts m'amener vers le concret, personne n'y vaut l'une en personne. Babylone nous coupe les vivres. Et les douvages de vous à nous, l'unité faut qu'on y arrive. Qu'on y arrive. Je vois la vie défiler au fil des années. Mais trop de frères ont succombé à la vigilance des condés. Je dois surtout pas me laisser aller, gâter pour pas me faire serrer, esquiver le triste sort. Mais je vois la vie défiler au fil des années. Mais trop de frères ont succombé à la vigilance des condés. Je dois surtout pas me laisser aller, gâter pour pas me faire serrer, esquiver le triste sort. Mais je vois la vie défiler au fil des années. Mais trop de frères ont succombé à la vigilance des condés. Je dois surtout pas me laisser aller, galder pour pas me faire serrer, esquiver le triste sort.